Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dans notre dernier dars, on a lu la muqaddima de al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, muqaddima nafi'a, et il a expliqué hadith Tamim ibn Aws, radiyallahu anha, ad-din al-Nasiha. كذلك il a démontré رحمه الله أن أعظم الواجبات وأكبر وسائل السعادة في الدنيا والآخرة c'est العقيدة الصحيحة. Et on avait détaillé شيئا ما هذا ولله الحمد. قال فصل ومن أعظم ما يعين على الدين والدنيا الاعتصام بحبل الله. Celui qui donne de l'importance à son dit. Wa ya'tasim bi hablillah. Qala Allah azza wa jalla wa ya'tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Al-a'imma min as-sahaba wa man ja'a ba'dahum yafassir hadha al-habl bil-islam bil-quran bis-sunnah bit-taqwa bil-iman. Al-muhim c'est dit. Ay man ya'tasima bi-din Allah azza wa jalla, ça sera très bénéfique pour lui fi dunya wal akhirah. Comme minannas, ils ont des difficultés, les annahum, ils ne donnent pas d'importance au dit. Ils ont des problèmes et ils cherchent les mauvaises solutions. La solution, c'est fait din. Comme a qala azza wa jal, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ba'dannas, ils ont des problèmes financiers, ou des problèmes de santé, ou des problèmes de couple, ou des problèmes avec des voisins, ou des problèmes avec eux-mêmes. Et il cherche des solutions qui ne sont pas appropriées. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé par la maladie, il y a plusieurs solutions. Parmi les plus grandes solutions, c'est at-tawakkul 'ala Allah. Savoir que l'insan il n'est que de passage. Wad-dunya dar ibtila. Ad-dunya sijnul mu'min. Allah il éprouve le croyant. Et s'il aime une personne, azza wa jalla, il l'éprouve. Mais cette maladie, si ce mu'min il a cette croyance, ça sera beaucoup plus facile pour lui. كذلك il fait les causes pour se soigner. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا انفع العلاجات القران الكريم. Il récite le Coran, il médite sur le Coran. ففيه شفاء. كذلك il utilise, il prend les médicaments qui sont nafi. كالعسل وحبه السوداء الحجامه كذلك c'est nafi. كذلك il a le droit de se rendre au médecin, un médecin compétent. Regarde, chaque chose à sa place. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de santé. Il a mal à la tête. Et il adore autre qu'Allah. Il demande à Sidi Foulan. Pourquoi? Parce qu'il a mal à la tête. Il perd son din. Il perd son din. Et ça ne lui fait aucun bien par rapport à sa maladie. Lakin, on cite cet exemple. Pourquoi? Les annas, celui qui s'accroche à son din, ça lui facilitera dans tout. Prends l'exemple de l'hijra. Qu'est-ce que les annas, ils n'ont pas encore réussi à faire l'hijra. Et ça leur pose des problèmes et ils emploient la mauvaise méthode. Pardon, ils pensent que la hijra, c'est une histoire d'argent. C'est une histoire de projet. C'est une histoire de terre, de maison. C'est pas ça, l'hijra. Ça, c'est des choses qui viennent à la suite. Al-Hijra, c'est une ibad. Tu dois avoir l'intention et la conviction de délaisser Dar al-Kufr pour Allah Azza wa Jalla. Pas pour un travail ou pour une maison. Li'anna, tu feras Al-Hijra si tu n'as plus d'argent ou tu n'as pas de maison, tu feras demi-tour. Pourquoi? Li'anna, ton but c'était cette chose. Si tu n'as plus cette chose, tu laisseras. Mais celui, son but c'est l'Illah, il patientera akthar s'il est éprouvé. Les solutions pour faire Al-Hijra, awwalan at-tawakkul 'ala Allah. Pareil, placez sa confiance en Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ أي كافي, أي Allah il lui suffit. Amma l'argent ça vient, ça part. Une maison, tu peux en trouver une. Aujourd'hui, tu peux avoir des difficultés. Demain, tu peux trouver un appartement plus petit. Al-amr sahl. Dunya, c'est une étape. كذلك, pour réussir cette hijra, donner de l'importance au ilm, donner de l'importance à l'aqida. Celui qui a une aqida solide, il aura plus de facilité à placer sa confiance en Allah, à patienter. Amma al-hijra, lier l'hijra à l'argent, c'est vouloir faire une chose avec une mauvaise méthode. فتأملوا la parole de Cheikh رحمه الله ومن أعظم ما يعين على الدنيا على الدين والدنيا الاعتصام بحبل الله. C'est ça la base. Mais les causes, on les laisse des causes. La base, c'est ça. La base, c'est din. Et on essaye de fonder, de régler nos problèmes, d'avancer par rapport à ce din. Pas l'axe. Essayer des choses, dès que ça ne marche pas, on revient au din. Là, c'est une mauvaise méthode. Notre base, ça doit être din. Et celui qui veut que son din soit qawi, un din qui est solide, iman qawi, il donne de l'importance à l'aqidah. Comme le cheikh il a cité dans l'introduction, al mu'taqad al sahih. Vous avez remarqué que cheikh Saadi rahimahullah al-an, ici tout ça, ces chapitres al-an fosoul, c'est comme des introductions avant de rentrer dans le vif du sujet. Et il va mettre en garde contre les écoles des koufars. Il sait très bien que celui qui n'a pas d'aqida ou qui a une aqida faible, Robama, tu vas lui parler de l'école, c'est haram. Première chose qu'il va te dire, mais tout le monde fait ça. Deuxième chose, il va penser à l'argent, aux allocations. Troisième chose, il va te dire, mais ils font du bruit. Leur mère, elle est fatiguée. Toutes ces choses. Enta, tu vas lui citer. L'école, il ne comprendra pas. Amma, celui qui a une bonne aqid, il place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et il règle les choses avec des bases sur Al-Kitab ou Sunnah. Quand tu vas lui citer le problème de l'école, directement il va comprendre. Il va te dire, sahih, je suis un musulman, un mu'min, comment je vais placer cet enfant عند أعداء الله. Je suis mu'min, je dois aimer les mu'minines, je dois me rapprocher des mu'minines, je dois détester les kuffars, je dois m'écarter d'eux. Comment mon enfant, je vais le placer chez eux? Al-an, le sujet, il l'a pris du bon bout. Même s'il a des difficultés, Inch'Allah ta'ala, il est sur la bonne voie. Avec les efforts, l'entraide, yatawakkal Allah, il y arrivera. Ils étudient des sujets où ils citent des problèmes et en fait ils ont les mauvaises méthodes pour les régler. Fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Celui qui a un problème, il revient à ahl al-ilm. Ata'ammalou al-an, cette risala de Cheikh Saadi très courte, al-fawa'id qu'on retire en revenant à ahl al-ilm. Et si on ne comprend pas, on revient aux ulama qui sont vivants, qui nous expliquent. Ma kul wahid, il essaie de régler les choses lui-même. Al-haqiqa, il rajoutera son problème des problèmes. Fakam minan nas al-an, cette chose qui paraît très simple pour certains, man waffaqahu Allah azza wa jal, il ne pense pas à mettre ses enfants inda al-kuffar. C'est Allah qui lui a facilité. Lakin, cette chose, la tansa, n'oublie pas que pour certains, c'est énorme. Ils n'arrivent plus, ils ont du mal. S'ils les sortent de l'école, ça leur fait des... Ça, ils risquent certains problèmes. Ba'dhum, ils n'ont pas al-iman qawi, ils pensent à l'argent, ils ne savent pas comment faire. Ils pensent soi-disant à leur avenir. S'ils ne vont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme si cette école, c'était l'avenir pour nos enfants. As-sahaba radiyallahu anhum, ils ont eu un avenir tayyib jiddan, fi dunya, qabl al-akhirah. Amma al-akhirah, on a lu les versets dans notre cours précédent. Est-ce qu'ils sont passés par l'école chez les kuffars? Ayyadun billah, ma'adallah. Donc c'est pas ça, fait le haqiqa, la solution. L'avenir de nos enfants, il n'est pas lié à l'école. L'avenir de nos enfants, il est lié à ce point. Si on arrive à leur faire comprendre, à les éduquer, à l'i'tisam bihablillah, toute leur vie, que tu sois là ou pas là, ils auront les outils, ils auront les moyens de s'en sortir. Bi'idnillahi azza wa jal. À cette école, combien de gens ils ont été à l'école que vous connaissez, que je connais, qu'on connaît tous, et ils font rien de leur vie. Au salat, il n'arrive pas à faire salat. S'habiller comme un musulman, il n'arrive pas à s'habiller comme un musulman. Qu'est-ce qu'elle lui a apporté cette école? Perte de temps, elle lui fait descendre sa aqida, rubbama, surtout les hautes études, rubbama, des choses qui contredisent l'islam, et ba'dhum, ils appellent cela à venir. Et Allah, c'est du char. Lakin, on répète, les introductions que les ulama ils écrivent, elles sont muhimma. Muhimma pour arriver à un but précis d'avoir les outils nécessaires. Et la chose qui te sera utile, et dinik wa dunyak, c'est ta aqida. Donc donne de l'importance à cette aqida. Celui qui a une aqida sahiha, qu'il soit riche ou pauvre, il sera à la khair. S'il est riche, il a de l'argent, ça sera un riche à la khair. Cet argent, il sera utile et il fera du khir avec. S'il est pauvre, ça sera un pauvre qui est à la khir. Celui qui n'a pas d'aqida, rubbama, il est riche, ça devient un tari. Un valim, il fait du mal. Et l'orgueil, il fait du mal aux pauvres et il ne donne pas zakat. Cet argent, c'est une hujja contre lui, au Qiyam. La pauvreté lui fait du mal, il n'a pas d'aqida. S'il est touché par la pauvreté, il se rabaisse, il demande aux autres, il est humilié, il fait des choses qui sont contraires au dîn que pour quelques billets. Mais celui qui a une bonne aqida, inshallah, il sera à la khair. Il est en bonne santé, il est malade, il est à la khair. Il est en bonne santé, alhamdulillah, il fait du khair. Il est malade, il est à la khair. Wa min a'zam ma yu'in 'ala ad-din wa ad-dunya al-i'tisam bihablillah. Ay al-i'tisam bid-din, s'accrocher à notre dîn. Qal wa bil ukhuwati al-imaniyah. Et ça, c'est important. Et ça fait partie de notre dîn. Les annatéa mu'min n'étaient pas seuls. Il y a une communauté, il y a une umma ma'ak. Tu dois savoir comment te comporter. Comme a qu'al azza wa jal, waj'alnakum ummatan wasata. On est une umma. Tu as des frères, tu as des proches, tu as des parents. Rubbama, tu as des enfants, tu as des voisins, tu as des frères mu'min. Donc, tu n'es pas tout seul. Cette ukhuwa al-imaniyya, tu dois lui donner de l'importance. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. Tu comprends de ce verset que tes frères, ça implique l'ukhuwa, que tu dois avoir de l'amitié, de l'amour, de l'entraide ma'ahum. C'est ça la base. Ça implique هذا que le kafir, c'est pas ton frère. Tu peux pas avoir que des frères. Aimer tout le monde. Abadan. Aqidat al-Muslim, c'est fondé sur l'ukhuwa al-imaniyya. T'aimes ton frère, fillah azza wa jal, et tu détestes ceux qui détestent hadha ad-din, ou qui délaissent hadha ad-din, comme on a expliqué dans notre premier cours. Qala wa qala sallallahu alayhi wa sallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. قال في الحاشية أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله وكونوا عباد الله إخوانا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم نقض. On doit être des frères, avoir les comportements qui sont cités في القرآن والسنة. La solidarité, s'aimer, s'entraider, se conseiller, هذا c'est l'أصل. ثم il y a du cas par cas. ثم il y a du cas par cas. Certains comportements, si certains et ils font des choses qui sont contraires à notre dîn, il y a certains comportements à avoir. Wa kadhalika bil irtibat bayn ar-ra'i war-ra'iyya min ar-ra'i ash-shafaqa 'ala ra'iyyatihi. Ar-ra'i, c'est le gouverneur. Ar-ra'iyya, c'est le peuple. Fa al-umma, il y a des gouverneurs. Gouverneur, c'est lui qui gouverne. Ar-ra'iyya, ils doivent obéir. قال وكذلك بالارتباط بين الراعي والرعية كذلك il y a un lien entre ce gouverneur et son peuple. Il y a un lien. من الراعي الشفقة على رعيته. Le gouverneur, il doit avoir de la shafaqa, de la rahma envers son peuple. قال والحن عليهم والقيام بالعدل بينهم كذلك. نعم, il doit avoir de la rahma. كذلك العدل, il doit être juste, ne pas être injuste. Ce gouverneur, il doit trancher dans certaines choses, il doit juger. Al-adl, c'est muhim. Hatta personne ne doit subir d'injustice, se sentir lésé. Là, celui qui a un haq, il demande son haq. Et le gouverneur, il doit être avec le haq fi hadhihi al-masail. Qal wa i'anatuhum ala masalih dinihim wa dunyahum. Kadhalik, celui qui a des besoins, il doit être aidé, que ce soit fi dinihi أو في دنيا. ومن الرعية محب ومن الرعية محبة ولاتهم كذلك. Le peuple doit aimer son gouverneur. Et نحن الآن on parle des gouverneurs musulmans. قال والذب عنهم ولزوم طاعتهم. Donc من صفات المؤمنين أن si son gouverneur c'est un musulman, فينصر هذا الحاكم. Il le défend si quelqu'un l'insulte. كذلك الطاعه انه il obéit bien sûr في طاعه الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف اما في معصيه الله عز وجل فلا. Sans que ça implique الفتن والخروج, انه si il nous incite à faire une معصيه ou à délaisser une obligation, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن المسلم السني يسكت فيتن contrairement à أهل الضلال من الخوارج وغيرهم قال والتحذير من غشهم وإثارة الفتن عليهم صحيح بعضهم سدي غشاشون خدعون avec ولاة الأمور أنه il les critique dans des assises privées أنهم il essaye de monter la tête aux gens حتى ils se rebellent les manifestations les grèves tout ça c'est pas من النصيحة النصيحة لولاة الأمور c'est les conseiller les aimer fillah c'est des musulmans leur vouloir leur bien et régler les choses celui qui peut conseiller conseille amma les manifestations les grèves être la cause de fitan فهذا c'est من الغش عياذا بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا الغش c'est tromper trahir وإثارة الفتن عليهم والنصيحة لهم بحسب الإمكان celui qui peut celui qui peut directement celui qui peut indirectement celui qui peut pas فالدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال أما كثرة الكلام par rapport au gouverneur ou des choses qui se passent qui sont liées au gouverneur beaucoup parler كما يفعل الجهال et personne les écoute ça fait que des fitelles الشيطان il en profite et il divise l'umma et ça change rien belle ça fait qu'aggraver les choses فالإنسان il doit craindre Allah سبحانه وتعالى Ne parle pas dans des choses que tu ne maîtrises pas ou qui ne te regardent pas ou personne ne t'écoute. Là, fais du'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il te répondra. Fais du'a. Amma katrat al-kalam, ils vont faire, ils ont fait. Ça ne rien faire. Ça ne changera rien. Qala, wa nasiha lahum bi hasb al-imkan, fa ma'a husul hadhain al-amrayn min al-ra'i wa al-ra'iyya, tasluh al-ahwal. Sahih, anna al-ra'i, al-hakim, il est juste. Il a de la rahma. Il aime le din et le peuple, ils aiment leur gouverneur, ils patientent, ils lui obéissent, ils s'écartent des fitaines, tu trouveras que ce balad, il vivra fi amn wa aman. Dans la paix, ils avanceront dans leur din et dans le dunya. Lakin ahlul bid'a wa dhalal min al ikhwan al muslimin wa al khawarij, eux ils veulent que les fitaines. C'est pour ça que tu trouves que daiman ils accusent les gouverneurs et qu'ils accusent les savants de la Ummah qu'ils appellent à patienter, à être calme, à appliquer la croyance des salafs par rapport aux gouverneurs. Pourquoi ? Les annahum ils veulent pas al-khayr pour hadhihi al-Ummah. Eux leur but c'est al-kursi faqat. Et tu les trouves quand ils gouvernent comme ça arrivait dans certains pays, tu les trouves ils sont loin kadhalik de sharia. Alors qu'ils reprochaient aux autres hada. Ça montre que leur but c'est d'arriver au pouvoir. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils n'appliquent pas ce qu'ils prétendaient. فَلَا تَغْتَرْ بِدُعَاتِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ C'est la cause de beaucoup de char dans notre ummah. قَالَ وَتَسْتَقِيمَ الْأُمُورُ وَيَسْتَعِينَ الْجَمِيعَ عَلَى مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَيَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَبِاخْتِلَالِ الْأَمْرَيْنِ Si ces deux choses, islah, ou istiqamat al-ra'i wa al-ra'iyya, avec tout ce que Cheikh Saadi l'a cité, enfin, Inch'Allah, ça sera la cause de bien. وَبِاخْتِلَالِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا تَخْتَلُ الْأُمُورُ وَيَحْصُلُ الضَّرَرُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَيَطْمَعَ الْأَعْدَى فِيهِمْ Mais s'il y a des manquements dans un des deux parties, enfin, par rapport à ce manquement, la Ummah le faiblira. Et أَعْدَاءُ اللَّهِ, ils essayent d'en profiter. Emma en accusant ce gouverneur, Emma en faisant du mal à son peuple. Et tu trouves que cette umma, mu'minoun, muslimoun, ils se font du mal entre eux. Tout ça, c'est le but de A'da'Allah. Donc l'insan, il doit être dhaki. Il doit être intelligent. Il doit avancer avec les textes du Coran et de la Sunna. Et surtout, ne pas être la cause de fitan. Toujours, on essaie d'être la cause du khayr. Et pour être la cause du khayr, tu dois faire des efforts fil ilm. Comment faire pour propager hadha al-khayr et ne pas propager du shar. لأن بعضهم يفل إيزام خبجي الخير لكن في الحقيقة ils ont pas العلم nécessaire ils ont pas المعرفة il veut faire du خير il veut propager le خير et il fait des dégâts donc نحن دائما التأني السني طالب العلم دائما il doit être calme ne pas se précipiter revenir à ceux qu'ils ont étudié العلماء وطلبة العلم دائما garder son calme et régler les problèmes billati hiya ahsan bi'ilm. Qala فإن الراعي إذا لم يكن شفيقا على رعيته رحيما ولم يكن مقيما بالعدل قائما به ولم يهتم بشأنهم نفرت منه الرعية. Si ce gouverneur il a pas de rahma et la yahkum bil'adl, فربما son peuple, ils ont pas, surtout s'ils sont pas éduqués à la sunna et ils patientent pas, فربما الأعداء, ils font tout pour que ce peuple il se rebelle. Comme il se passe là, il cite des choses Obama qui sont vraies, il a fait telle chose, il a fait telle chose, et vu que haoula ils ne sont pas éduqués à la sunna, ils ne patientent pas, et ça fait des fitnes. Nous, il y a des faiblesses, il n'y a aucun doute, mais on n'est pas une cause pour empirer les choses. Là, le gouverneur c'est un musulman, c'est un musulman, c'est ton frère, faites dua pour lui et on n'empire pas les choses. Là, pour régler les choses, la tariqa elle est connue, revenir à Ahl al-Ilm, faire du'a, apprendre sa aqida, et Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Qal nafarat minhu ar-ra'iyya wa jara minhum ma la yanbaghi. Des choses sahihes qui font du mal, et les a'da ils en profitent. Wa ar-ra'iyya idha lam taqum biwajibiha min as-sam'i wa at-ta'a wa an-nush li wulatihim, uqibu bi'uqubat diniyya wa dunyawiyya. Ar-ra'iyya, et le peuple s'y patiente pas, et il règle pas les problèmes d'une façon légiférée, ah, il a patience, conseiller, montrer billati hiya ahsan, donner de l'importance au din, appliquer aqidat al-salaf, fa fi hadha al-hal difitan. Et comme a dit, uqubat diniya wa dunyawiya. Et des punitions, des fitan, un manque de sécurité, des choses qu'on pouvait faire qu'on ne peut plus faire, tout ça à cause de certains mufsid. Mina al-ikhwan, mina al-dawa'ish, mina al-khawarij. Ha'oula, ils n'ont aucune hikmah. Et ils pensent qu'à eux-mêmes, fil haqiqa. Ils penseraient aux autres, ils reviendraient à Ahl al-Ilm, et ils essaieraient de changer les choses bi'ilm. Wallahi, ba'duhum, ils ont des faiblesses kabira dans leur din. Lui-même, il n'arrive pas à faire certaines choses. Lakin, la facilité, c'est d'accuser les autres. La facilité, c'est de vouloir en finir. Les anna'oum, fil haqiqa, ils ne patientent pas. Ils pensent que c'est plus simple. Et ils se font du mal à eux et aux autres. Qala. والنصح لولاتهم عقبوا بعقوبات دينية ودنيوية كما هو مشاهد محسوس. Et à notre époque, on l'a vu dans ce qu'ils appellent al-Rabi al-Arabi. Et puis la haqiqa, c'est fitan et harbun ala l'islam ou les musulmans. On l'a vu comment ils ont divisé les musulmans et comment ils ont divisé les peuples et de leurs gouverneurs et le mal que ça a fait. Est-ce que leur situation est meilleure maintenant qu'auparavant? Abadan. Même un kafir qui est objectif, s'il lui reste un peu d'objectivité, il saura que ça n'a rien arrangé, belle, c'est de pire en pire. Pourquoi? Ces conseils qui sont très simples de cet imam, ils sont ignorés. On ne dit même pas nous, ils ne sont pas appliqués. Ils sont ignorés. Comment il va appliquer une chose qu'il ignore? قال فلا أعظم لقيام الأمور دينها ودنيويها من تعاون الجميع على البر والتقوى. On doit s'entraider fil birri wa taqwa. Aïe, dans le bien. Wa qiyam al-ulfa bayna an-nas. Al-ulfa, c'est al-mahabba. Aïe, l'amour entre le mu'minin. Al-mahabba fillah. Et ma'rouf manhaj al-salaf. Fi mu'amalati ahli al-bida'i wa al-dhalali wa al-ahwa. Lianna al-sunni, il aime le mu'min. Lakin certains, ils ne veulent pas s'écarter de l'égarement. Ils sont conseillés, ils s'entêtent, ils combattent les savants de la sunna. Ka al-ikhwan ou al-khawarij. Thumma ba'duhum, ils disent, pourquoi vous vous divisez avec eux? C'est nos frères, lakin ils sont à la dhalal. Et on a un comportement par rapport à leur égarement. Les annahum, ils font du mal. Et al-salaf, ils détestaient ahl al-bida'i wa al-dhalal. C'est pour ça que nous, on appelle à ce rassemblement, à cet amour, lakin ala haqq. Wa attasimu bihablillahi jami'an. On ne se rassemble pas parce qu'on est des Arabes ou parce qu'on vient de tel pays. On se rassemble à la aqidat al-salaf. Celui qui ne veut pas aqidat al-salaf ou il la combat, on ne peut pas se rassembler avec lui. قال وقيام الألفة بين الناس والعلم الحقيقي بأن المصالح كلها مشتركة. S'il y a du bien, toute la umma en profitera. S'il y a du mal, ça fait du mal à tout le monde. Donc en tant que mu'min, on doit tous faire des efforts pour rassembler l'umma, pour faire avancer l'umma. لكن pas comme ils font أهل الجهل والضياع الإخوان وغيرهم أنهم ils appellent à se rassembler avec des partis politiques avec tout ça c'est pas nafi'. On se rassemblera autour de أهل العلم et autour des gouverneurs. C'est ça le rassemblement haqiqi qui est fondé sur l'ilm ou sunnah. قال والسعي لها من جميعهم بحسب الإمكان فهذا أصل كبير مهم لا تتم الأمور كلها إلا به صحيح أصل عظيم الأخوة والاعتصام بحبل الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك